Allez, on essaye de finir ça. C'est parti. Dis toujours. Bah écoute, de toute façon, je suis là pour ça. Hein. Dis toujours. Allez, t'as pas dit toujours là. C'est quoi votre solution? C'est quoi votre solution? C'est quoi votre solution? C'est quoi votre solution? Oui, je vous les affiche. Passe sur l'écran, mini whoosh. Oui, je vous les affiche. Oui, je vous les affiche. Non, le signal est brouillé. Non, le signal est brouillé. Non, le signal est brouillé. Oui, vous voulez. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Oh non. Oui, mais vous voulez en. Si je puis me permettre, il y a un bémol dans votre idée. On ne pourra pas changer quoi que ce soit avec précision. Si je puis me permettre, il y a un bémol dans votre idée. On ne pourra pas changer quoi que ce soit avec précision en l'état, là. On pourra changer. On pourra rien changer avec précision en l'état, là. On ne pourra pas changer quoi que ce soit avec précision en l'état, là. Attendez, quoi? Attendez, quoi? Mais attendez, vous avez conscience que ça va accès. Mais attendez, vous avez conscience que ça va affecter Alia et l'officier Claim aussi? Et même si par miracle j'arrive à les préserver, Alia aura toujours son pouvoir d'activer. Elle est constamment connectée sur les mêmes ondes que les autres puces. Son cerveau supportera pas le choc. Attendez, vous avez conscience que ça va affecter Alia et l'officier Claim aussi? Et même si par miracle j'arrive à les préserver, Alia a toujours son pouvoir d'activer. Elle est constamment connectée sur les mêmes ondes que les autres puces. Son cerveau supportera pas le choc. Je refuse d'obéir. Je refuse d'obéir. Je refuse d'obéir. Mais vous avez pété un plomb? Mais vous avez pété un boulon, vous aussi? Mais vous êtes folle? Mais vous avez pété un boulon? Mais vous avez pété un câble? Mais vous avez pété les plombs? Je suis tellement désolé, Alia. Je suis tellement désolé, Alia. Bordel. Claim, elle. Sa puce vient de se mettre hors service. La puce de l'officier Claim vient de se mettre hors service. Bordel, Claim. Sa puce vient de se mettre hors service. Non. Elle est. Merde, faut qu'on sorte Alia de là, elle est trop instable. Merde. Merde, faut qu'on sorte Alia de là, elle est trop instable. Quoi? Vous voulez leur cramer la cervelle? Quoi? Vous voulez leur cramer la cervelle ou quoi? Désavis. Attends. Je désactive. Oh putain! Je désactive la puce d'Alia. Je désactive la puce d'Alia. Non, attendez! Non, attendez! C'est envoyé. C'est envoyé, hein. Ça devrait protéger un peu Alia. Je comptais pas rester. J'arrive, Alia, tiens bien. Tiens bien, tiens bien. Je comptais pas rester. J'arrive, Alia, tiens bon. Alia? Alia, tu m'entends? Non. Non, non, non, non, non, non. Alia? Alia? Est-ce que tu m'entends? Non. Non, non, non, non, non, non. Non, Alia? Alia? Alia! J'essaie de pas trop crier. Hop là. Tu me diras s'il faut que je refasse ça à la fin, là. À un moment où je pourrais plus crier en liberté. Se lève. Ah, o Olaf. Ah, Olaf. Merci de vous être libéré. Merci de vous être libéré. Merci de vous être libéré. Elle s'est réveillée ce matin, mais elle avait juste le regard dans le vide. Je sais pas si elle m'a compris. Elle s'est endormie après avoir mangé un peu. Elle s'est réveillée ce matin. Elle avait juste le regard dans le vide. Je sais pas si elle m'a compris. Elle s'est rendormie après avoir mangé un peu. Rien. Elle a grillé. On n'a même pas réussi à lui retirer. Rien. Elle a grillé. On n'a même pas réussi à lui retirer. Je vous demande juste d'essayer. S'il vous plaît. Je vous demande juste d'essayer. S'il vous plaît. Non. Je fais plus partie de l'instance. Je fais plus partie de l'instance. J'ai juste signé une clause de confidentialité et ils m'ont. Juste signé une clause de confidentialité, ils m'ont recasé dans la police de New Hope. Après tout, une place venait de se libérer. Je sais que vous avez officiellement quitté la ville. Je dirais rien. Je sais que vous avez officiellement quitté la ville. Je dirais rien. Alors? Alors? Alors? Elle redeviendra comme avant. Elle redeviendra comme avant. Elle redeviendra. Elle va guérir. Elle redeviendra comme avant? Ça marche pas. Elle va redevenir comme avant? Mais alors. Mais pourquoi vous. Mais alors. Pourquoi vous. Pourquoi vous. Je comprends rien, mais d'accord. Je comprends rien, mais d'accord. J'y compte bien. Prenez soin de vous aussi. Prenez soin de vous aussi. Prends ton temps, Alia. Je bouge pas d'ici. Je te le promets. Prends ton temps, Alia. Je bouge pas d'ici. Je te le promets.